is Radio Caroline on 199, your all-day music station, England's first commercial radio station. The time is 1 minute after 4 o'clock, and it's time for the big lineup. De provocation. La thématique ce soir, en ce 21 juin, provocation. Je pensais que t'allais dire prostitution. Mais ça va avec. C'est une sorte de provocation, ça, là, pour les puritains, pour les gens qui sont dans la droite, mais le soir, je sais pas, ils se débloquent la gauche. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes très belle. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de gonfler mon pneu, toi, là? Va-t'en, espèce de petite fille! Ne riez plus! Sinon, avertis-moi, je vais me préparer. Oh! Hein? connais ça, moi, là, les techniciens de pneus. Les techniciens de pneus, madame la chose, là. La mademoiselle chose, en tout cas. Vous, là, c'est des individus qui veulent procurer du bonheur aux messieurs qui ne peuvent pas le faire autrement. Ou peut-être, ça c'est la deuxième alternative, peut-être que ces femmes-là veulent, dans leur vie, donner du plaisir au peuple. Ben le peuple, c'est pas tout le monde. Là. Ben le peuple, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous. C'est toi, c'est moi, c'est vous, lui, hein? C'est pas oui, d'autre. Oui, puis-je vous servir? Oh oui, oui, d'accord. Oui, mais ça va dans l'autre. Parce que là, on va se poser la question, faut-il douter de tout? OK, voulez-vous, c'est votre réplique maintenant, allez-y. Oui, puis-je vous servir? Simplement, une petite Jésus au raisin, pas de clous et avec un zeste d'alco Afrique. Ouais. En avez-vous dans votre... Oui, oui, oui, oui, oui. Ben, servez-moi, là. Je viens de vous divulguer ce que je voudrais avoir. C'est simplement un petit Jésus au raisin. Oh, pas un gros, hein, parce que moi, si je commence à prendre des gros Jésus, je pourrais plus, constamment aux toilettes, puis l'émission aux toilettes, c'est pas très bon. L'auditoire aime pas ça, là, entendre du silence. Ce qu'ils veulent, là, c'est même si, ouais, peut-être que ma voix serait mieux que... On doit arrêter ça. C'est maintenant la... Les gens n'aiment plus. Je suis un nigre. Idolâtre. Alors, allez-vous m'amener mon petit Jésus au raisin? Pas de clous, s'il vous plaît, parce que j'ai mal digéré ça la semaine dernière. Parce que là, ma médecin là, m'a dit pas de fer. Pas de fer. Sinon, ouais, c'est un bras de fer, celle-là. Hey, elle m'a dit pas de fer, toi, là, là. Puis, êtes-vous universitaire, madame? Vous avez un dialogue de bûcherons, quoique je n'ai absolument rien contre les bûcherons. J'en connaissais un, moi, qui s'ouvrait aux autres assez facilement, mais qui s'ouvrait aussi l'œuvre complète. De prouf! Après avoir mangé deux, trois gannes de fin volard, là. Ah, c'est la prouf! Version 2, prouf! Le retour de chez Chouin, Chouin, Chouin, Chouin, Chouin, Chouin, Chouin, Chouin, Chouin, Chouin. Ton, ton, ton, ton, ton, ton. On a la bleue client, Lili, dans la non bleue lit. Lili, pas toujours, moi. Aïe donc. Oh, toutes les feuilles sont tombées par le tel. Oh non! Passe à la musique, non, pas de musique, là. Improvise pendant 25 minutes sans feuilles. Impossible! Quoique, je peux le faire, pas besoin de feuilles pour improviser, mais il va baisser ma tête et reviendra dans quelques secondes à peine. Tout est mêlé! Comme dans ma tête! Le pied va... Attendez, j'ai discuté entre vous pendant 15 secondes. Vous saviez plus quoi dire, hein? Oh, hey, je voyais l'autre qui se grattait les cheveux, qui comptait ses... quand t'appelles ça, du chapeau. En dessous du chapeau, c'est la calotte. Non, mais les pellimules. Vous comptiez les pellimules, madame? Ben, vous avez les cheveux longs. Longs et gras. C'est la mode en 2013. Non, gardez les gras de même. Là. Si vous placez votre shampoing au niveau de la capillaire droite, là... Oui, ça donne mal. Prenez deux, trois aspirines avant, parce que je vous dis que lorsque vous allez tirer après la calotte, parce que ça va vous déchirer vers le bas. Oui, placez des pompons au niveau du saignement, là, parce que c'est tout à fait normal que ça... Si c'est si ça agit trop fort, là, puis que ça gicle. Ah, c'est ça, madame... Ben, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Est-ce qu'il gicle? Il gicle. Ben, vous expliquez un peu son problème. En fait, c'est précoce, lui, tout le temps, était précoce. Il parle, il gicle. Il postillonne tellement, ce gars-là, là, que je me dis que si je suis avec lui dans le désert, je vais placer un seau d'eau devant sa bouche. Il parle tellement. À un moment donné, il va dégouliner. Puis, moi, tout boire ça, moi, cette salive-là. Il crevera au bout de la sienne, puis moi, je vais m'alimenter du sien. Hey, je l'ai entendu toute ma vie, toute sa vie me raconter. Hey, moi, quand j'étais jeune, là. Ben oui, t'es plus jeune. Ouais, plus jeune. Hey, quand tu commences à compter ton dentier pour savoir combien de temps t'as dans la bouche, combien de temps, il y a combien de temps. T'as-tu du temps dans la bouche, toi? Ben, j'ai du temps d'antenne sur mon cellulaire. J'ai du temps d'existence, mais ça, je ne sais pas encore. Ben, en fait, ça pourrait être indéfini. Ben, en fait, j'ai arrêté de dire, ouais, il y a répétition, ouais. C'est pas le public prenne... Ben oui, ça prend des notes, ces gens-là. Ils sont merveilleux. C'est des gens éduqués. Moi, l'éducation, c'est important dans la société. Pas d'éducation, pas de connaissance. C'est un tunnel noir. Plus tu mets de l'éclairage là-dessus, là, tu risques d'être alerte jusqu'à la fin. Puis à un moment donné, là, tu tombes sa veilleuse parce que ça peut arriver. On n'est jamais maître de notre destin. Quoi qu'on essaye d'y parvenir jusqu'à la presque fin. Mais au moins, quand la veilleuse reste là, il y a un petit éclairage, une petite bougie, là, tu la laisses là, t'illuminer jusqu'à la fin de la petite flamme qui va s'étouffer. La fumée. Et là, tu vas entendre... En amérindien, ça veut dire les enfants partis. Il vient de retrouver là. Pas besoin de CNN pour retrouver du monde. Là. Pas besoin de regarder la TV pour dire « Ah, Mandou, c'est Mme Thibodeau qui est parvenue. » On l'appelait le boomerang. Monsieur, elle boum plus. Depuis quelque temps, là, ça boum plus, ça. Ça boum plus, puis ça boum plus. Ça cherche la différence. Puis là, ça se voulait être au début, là, cette femme-là, une... comment tu l'appelles ça? Une marginale. Hey, c'était beau, ça, cette femme-là, avant. Oh, mon Dieu. Ça avait une belle robe violette. Avant que le violet soit à la mode, là, parce que le mois de mai, les gens disaient « Ah, moi, c'est le mois de violette. » C'est le mois de mai, c'est le mois de Marie. Ouais, mais là, c'est le mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois des bourdons. Les petits puis les gros bourdons. Ah, mon Dieu. Moi, c'est les gros qui me font pas peur, parce que t'es voit arriver, mais les petits, hein, sont... Ça vole, là. Mais fais-moi le bourdon. Et tu sais, c'est un bourdon, on dirait un téléphone qui sonne. Voyons, tu as un téléphone. Moi, j'ai un cellulaire, mais j'ai plus de. Mais réponds. Oui, allô? OK. Oh, vous êtes en train de traire votre vache, vous? Mais vous êtes en ville, vous? Il y a de la vache au coin de la 3 et de la 4. Hein? Hey, on le savait. Qui savait pas qu'il y avait de la vache dans ce coin-là? À Limoulou, ça? Limoulou Québec, là. Mais c'est vrai que Limoulou Népal, ça n'existe pas. J'ai regardé sur Google Maps, là, avant de faire ça. Les gens vont se dire, ben, il dit n'importe quoi. C'est un cinglé, c'est un étourdi, c'est un érudit du rien du tout. Quoique, un érudit du rien du tout, c'est quand même un érudit. Un érudit du néant, c'est un érudit. Quand t'es un néant, t'es pas un érudit. Il faut que tu rajoutes le mot « mardi ». Non, c'est mercredi. « Jeudi ». Vendredi, samedi, ça me dit pas de commencer à dire jusqu'à dimanche, lundi, mardi. Est-ce que ça te rappelle la chanson, là? Lundi matin, le roi. On l'a fait, ça. Le public nous a dit arrête ça. On la connaît. Ah, ça me rappelle mon enfance, moi. Ah, j'étais toujours à la queue, leu-leu. Ah, partout, j'étais à la queue, leu-leu. Ah, je suis rendu à 42 ans, toujours à la queue, leu-leu. Ah, que la queue, leu-leu. Monsieur le Président, Monsieur le Patron catholique, Mesdames les voluptés, c'est quoi la question? Quelle était la question? Provocation, ça c'est le thème. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est le thème. Provocation. Y en a-tu là, hein, dans notre société? Y en a pas assez, y en a plus. Au Québec, c'est terminé. Dans toute la francophonie, j'essaie d'en trouver, mais c'est des anciens. Ils sont plus là, ils sont morts. On les a tués. Ben, ils se sont tués eux-mêmes aussi, des fois. Mais au Québec, Pierre Falardeau. Pierre Bourgault. Petit Blanc Richard. Non, c'est Petit Blanc Chanson. Ah, Petit Blanc Chanson. Hey, lui, c'est un homme qui sculptait le couteau. En bois. En fait, vous allez vous dire, ben oui, c'est le manche qui est en bois. Non, lui, c'était la lame en bois. Puis là, les gens, c'est intéressant ça, parce que vous allez trouver ça un peu ignare, un peu, non, superficielle au début. Là. Vous allez dire, ben voyons donc, une lame en bois. Hey! Quand tu es devant quelqu'un qui se tient un couteau avec une lame en bois, là, tu dis, hey, ça pourra pas faire mal, ça, là, là. Alors, ton cerveau descend un peu, ne voit plus le danger. Il rétrograde, comme on dit en psychologie. Plus ça rétrograde, plus ça descend jusqu'au sous-sol. Plus une fois que le sous-sol, que t'es pris au sol, là, il remplit ça d'eau. Plus tu meurs noyé. Ça m'est arrivé souvent, moi, de mourir noyé dans mes rêves. Ah, j'ai nagé dans la vraie vie, moi, là. Là. Je nage dans... Lorsque je veux me rafraîchir, je me place dans mon babidet. L'endroit où je fais des petits pipis quelquefois. Des numéros 2 aussi, mais c'est rare. Alors, moi, je suis pas normal. Moi, j'ai jamais voulu être comme tout le monde. Moi, je suis comme tout le monde. Il n'y a rien de pire qu'être comme tout le monde. Attendre au guichet automatique comme tout le monde. Ça voit la petite bonne femme, là, la petite madame. Là. Ah, mon Dieu, c'est quoi mon mip? Mon nick, mon pip? Ma pip? Ah, hein, ça donne des... Ah, c'est combien? C'est quoi mon numéro? Ça a 12 chiffres, ça? Attendez-moi, mon assurance sociale, c'était... Moi, je suis pas très sociable, fait que je dois pas avoir d'assurance sociale, moi. J'avais pris mon numéro de téléphone, mais ils me l'ont coupé, fait que j'ai oublié mon numéro de téléphone. Fait que c'est quoi mon... Ah, j'ai pris le numéro de ma carte! Puis là, ben ma carte est dans ma chaîne. Ah, ouais, j'aurais dû prendre 0, 0, 0, 0, 0, autant de 0. La petite caissière, moi, parce que c'est une petite caissière... La petite, je voyais sa petite main qui disait bonjour, mais c'est ta main qui parle. Là. Vous êtes une marionnette, ou là? Non, non, je suis une petite caissière. Oh mon dieu, la petite caissière. La petite caissière. Elle est très. Comme disait Richard Desjardins, elle était impopulaire parce qu'elle était caissière. On n'a pas compris. Montez pas le son, on fait des semblants de mots. Placez votre sono en surround digital Dolby, c'est pas compliqué ça. La mono, ça fonctionne pas. Non, les moineaux, là, à cette heure-là, là, ça chante pas. Attendez à 4h du matin, ça va faire pit. Me fais réveiller par ces oiseaux-là, moi, là. Là. Là, moi, j'ai préparé un enregistrement. J'ai mis 3 haut-parleurs en avant de ma chambre, là, qui se veut être à l'extérieur. En fait, je dors à l'intérieur, mais les haut-parleurs sont à l'extérieur pour faire peur aux oiseaux. Qui dit « Tombez-le! » J'y retrouve à terre, son petit fils, à moitié mort. Non, revenez à vous, là, j'envoie... Hey, mon doux, mais j'ai pété, là. J'envoie de l'eau, des petites graines. Quand j'ai pas assez de graines, ben, je fais jouer quelques chansons que je nommerai pas parce qu'on va me... Ah! Et ouais. Ça va bien, toi? Ouais. Rita? Bon, elle n'est pas sortie de l'hôpital? C'est triste. Ah, vous êtes encore là, vous, monsieur? Puis, la santé va bien? Bon, votre ulcère? On vous l'enlève. Hey, vous aviez des pierres sur le rein, vous, là, là. J'ai dit, gardez ça, vendez ça sur eBay. Vous pouvez faire de l'argent avec ça. C'est très, très simple, hein? Ouvrez-vous. Connaissez-vous eBay? Bon, c'est sur l'Internet, là. L'Internet, ça, c'est des choses qu'on peut pas voir. Ben, enfin, qu'on peut voir, mais c'est en dehors du monde, là. Il y a plusieurs façons de vivre ta vie, toi, là, là. Ça, très peu de personnes est au courant, puis Dieu merci. Plus on est mini. J'appelle mon chat. Mini. Monsieur, c'est pas un chat, ça, là? C'était un chat électrique. Ouais, parce que moi, je voulais pas avoir de chat classique, là, avec les quatre pattes, puis vivant avec le cœur. Non, moi, j'ai dit. Comme je ne vais pas ramasser les crottes de mon chat, je n'ai pas le temps. Je suis un poète, un créateur, tu sais. Je suis un gars de radio, puis j'ai 2-3 emplois un peu partout. Puis je vends quelquefois de l'humour à gauche, à droite, plutôt à gauche. Et puis à part ça, ben, je fais mon possible dans la vie pour que notre société contemporaine puisse vivre heureuse. La société, une société heureuse. Je fais déjà la conclusion dans ma tête. Puis, je devrais pas, ça devrait se rester en haut. Hein? J'avais descendu en bas. Ouais, quand on dit dans ta tête, ça se passe dans ta tête. Alors, ouais, ça se passe dans ma bouche. J'espère de passer plus souvent des choses dans ma bouche que dans ma tête. Non, ouais, moi quand. Oui. Oui, oui, devant n'importe quoi, là. Je l'ai dit à voix haute. Bon, comment ça, je suis pas capable d'ouvrir ça. Là. Normalement, c'est quoi? C'est dans ta tête, tu te le dis. Pas capable d'ouvrir ça. Dans ta tête. Les gens l'entendent pas. Avec moi, tout le monde entend tout. Quand je ris pas dans ma tête. Ma bouche là, rit, là. Quand je ris pas, ma bouche rit pas non plus, là. Par contre, je mange dans ma tête, je mange pas dans ma bouche. Ça me fait maigrir. J'ai du poids à perdre. Je me suis pesé hier. 190 livres d'amour. 190 livres d'amour, 5 et 10. Ouais. Les cheveux gras, les yeux rouges. Ah, ça fonctionne bien auprès des filles. J'ai ouvert des comptes réseau contact. Puis-je avoir? Là, j'ai eu des messages. Cinglé, va te faire soigner. T'es un trouble ambulant. On ne sait pas ce que tu fais, mais reste chez toi. Prédateur rénaldien. On m'a traité de prédateur rénaldien. C'est vrai, je suis. Oui, je. La personne avait entièrement raison. Elle s'appelait Emmanuel Lamalowal. Hey, Emmanuel Lamanuel. Elle a-tu trouvé son surnom? Si c'est vrai dans la vie. J'aimerais ça voir six frères, deux sœurs, il paraît. Ah, elle a une grosse famille. Puis elle est toute petite, mais elle a une grosse famille. Je pense que c'est la c'est la plus petite de toute sa grosse famille. Son frère et son deuxième frère, la fesse gauche, la craque droite, le poil numéro 2. Ah, un armoire à glace, là. Et moi, il faudrait que ce gars-là soit mon ami qui me protège devant les malades. Là. Quand je sors du studio de CKRL à 2h du matin, on veut m'attaquer. Mon taxi m'attend, je demande des escortes. Il y a 3-4 filles qui disent « Ah, vas-y, non, pas ces escortes-là. » Des policiers. Des policiers, là, le baraqué là, pour qu'ils puissent arrêter la foule. Bon, on m'a déjà dit qu'il y avait 3-4 chats de gouttière qui se sauvaient quand je sortais. Là, mais... Je dis « Non, il y en a, mais tu vois pas. Là, parce que vous êtes là, enlevez-vous, ils vont tous m'assassiner. Hey, prends le comment il s'appelle, le dictateur, là, l'autre, là, tout le monde fait, ah, il est merveilleux, merveilleux, mais en même temps, heureusement qu'il est mort, parce que sinon, on l'aurait amené sur le, comment il s'appelle, Chebedebada. Avec toi, j'ai bon débarras parce que si on commence à creuser ton existence, ta vie, puis il y a des biographes, des journaleux, là, ça c'est pas des journalistes, des journaleux. Ah oui, j'ai une formation en mopologie 2013. Au cégep, mollo, c'est tellement mollo, j'ai fait ça en 6 ans, capacité de comprendre la mop, tu sais, comment il y a de poils dans une mop, comment c'est composé, comment le poil est composé sur une mop, m'a pas te le dire, jeu de mots, hein, mop, m'a pas te le dire, on l'avait compris, prends-tu les gens pour des ignorants? Non, mais M. Thibodeau, vous? Oh non! Bon. Vous, êtes-vous un ignorant? Oh non! Vous avez des connaissances, hein? Allô? Oh non! Non. On met des... Non. On demande à des... comment ils appellent? Pas des comédiens, on veut pas payer, nous autres. C'est des parures. On demande à des parures de parler, puis ils veulent pas parler. Ils disent, mais non, on est juste des parures. Là. On n'a même pas rien à dire. Là. Vous devez juste zoomer sur nous autres ou faire un travelling avant, arrière, de côté. Hey, c'est pas un film où les gens vont avoir le mal de cœur. C'est de la radio qu'on fait. De la radio. Monsieur le Président. Il est malade, il est malade. Faut pas... Arrête d'inspirer parce que ça m'inspire plus, moi. J'ai le cancer de la voix. Daniel, t'as-tu le cancer de la voix, Daniel? Je voulais voir New York. Monsieur le Président, on va commencer par voir Québec, là. Le vieux Québec, c'est pas intéressant. Puis après ça, on va descendre dans le trou, là. Hein? Le trou, c'est Saint-Roch, Limoilou. Plus tu rentres dans le trou, là, plus tu sens le trou. Ah, c'est... Oh, ouais, c'est là, c'est le trou. Oh, là-bas, oh! Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames et voluptés. Ah non, c'est l'incinérateur qui envoie. Mais voyons donc, l'incinérateur. T'es devant le trou, c'est normal que ça sente le trou, vous, là. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Puis on me l'a pas servi, mon petit zizou raisin, pas de clou. On me demande des choses, je les propose, puis je reçois rien. C'est bon, ça, j'aime ça. J'aime ça, les agents de la ouais. Oh, mais ça, on va arrêter l'émission. On peut pas arrêter. Aujourd'hui, le vendredi 21 juin 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du journaliste, homme de radio et de télévision, Gilles Verland. Gilles Verland est un animateur de télévision, animateur de radio, journaliste belge, né le 11 juin 1957 à Bruxelles. Spécialiste de Gainsbourg et critique de rock, Gilles Verland débute tôt dans le journalisme. Ensuite de ça, il délaisse son Gilles Verland rock plus tard pour présenter L'Odyssée du rock, ça c'est après plusieurs années de travail au niveau de la radio et de la télévision. En juillet 2012, l'errant rénaldien se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques, ou ce créateur, si vous voulez. Un voyage chargé, pour même chanteur, vous allez l'entendre, ah c'est bon. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Faut-il s'arrêter? Oui, on va s'arrêter ici et laisser la place à la musique. De Rochechouart jusqu'à Ménilmuche, la rue de l'Ape à la rue de la Gaîté, y a pas une seule mot dans toute ventruche qui avec la mienne pourrait lutter. De la tête aux pieds quand on l'épluche, on ne trouve rien à lui reprocher. C'est un oiseau rare que roi des vénards j'ai eu le bonheur de dénicher. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous perdriez tous la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son pull vert vous mettent la tête à l'envers. Elle a des jambes faites au bout. Des cheveux fous frisés partout et tout et tout. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma boule. Bien qu'elle s'habille aux prises uniques, pas une ne saurait la dégoter. Elle dame le pion, elle fait la nique aux plus fameuses reines de beauté. La Miss France et la Miss Amérique sont de la crotte de bique à côté. Sans diams et sans clips, elle vous éclipse toutes les stars les plus réputées. Ah, oh, si vous connaissiez ma boule, vous en perdriez tous la boule. Marlène et Darieux arrivent en deux. La Greta Garbo peut même retirer son chapeau. Ils n'en ont pas à Liverpool. À New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, oh, si vous connaissiez ma boule. Marguerite de Bourgogne, auprès d'elle, n'avait que Nîmes comme tempérament. Il faut l'entendre quand elle appelle son petit momo au grand moment. Son corps frissonne d'une façon telle que la maison tremble également. Et ça vous explique les secousses sismiques dont les journaux parlaient récemment. Ah, si vous connaissiez ma boule, vous en perdriez tous la boule. Ces baisers moelleux fondraient sur les cheveux. Ces baisers profonds vous font sauter jusqu'au plafond. Si vous saviez comme elle roule. On l'entend jusqu'au fond de Passy crier, chérie, si vous la voyez, vous me la chipperiez, mais vous ne connaîtrez pas ma poule. Est-ce que vous connaissez Arnaud? Oh, oui, mais lui, c'est un Ostendais, c'est encore autre chose. Okay. C'est encore autre chose. Alors, c'est pas un Belge? Ah, si, okay. c'est un... Lui, c'est un, il est hyper belge, lui. Oui. Parce qu'il est, en même temps flamand, francophone, surréaliste, alcoolique, tabagique, défoncé, sublime, clochard, céleste. Un artiste. C'est un artiste. Ah oui, je le connais depuis toujours, je l'adore. La première fois que j'ai interviewé Arnaud, il mangeait une pomme. Et Arnaud, comme vous le savez, a un problème, il bégaye quand il parle et jamais quand il chante. Bah, alors, il n'y a aucun bec qui bégaye. Mais oui, bien sûr. Oui. C'était une platitude ce que je disais. Non, mais... Alors, pour se donner une contenance pendant cette interview, c'est à l'époque du groupe Tissimatic. Ok, c'est au tout début. Voilà, quand il chantait « Putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. » Européens, avec des R qui roulent. Un peu comme au Québec. Et donc, il mange une pomme pour se donner une contenance. Et il dit « Je mange une pomme parce que les pommes, c'est rond comme les seins des mademoiselles. » Souvenir extraordinaire. Grand personnage. Oh, je l'adore. Ouais. Si vous étiez une époque. Si j'étais une époque. Je serais des années 2010. Je trouve qu'on vit une époque absolument fascinante, passionnante, parce que c'est une époque de changement à cause des crises économiques, à cause des crises écologiques. À cause des progrès sublimes et foudroyants de l'informatique qui nous permettent d'avoir à notre disposition et à la disposition des jeunes générations une culture à laquelle je n'avais pas accès au millionième quand j'étais gamin, et je ne rêvais que d'une chose, c'était de me faire cette culture. Et à l'époque, ne fût-ce que pour écouter des disques, ne fût-ce que pour faire sa culture musicale, il fallait aller à la médiathèque, emprunter des vinyles 33 tours, les écouter chez soi, les recopier sur des bandes Revox, sur des mini-cassettes tout pourries, et puis noter, faire des fiches. Je faisais ça, hein. Avec un Walkman, on appelait ça. Excusez-moi, comme je suis beaucoup plus vieux, il n'y avait pas encore. Le Walkman n'était pas encore inventé quand j'ai commencé. Et au Québec, nous avons francisé ça pour un baladeur. Oui, ça se dit aussi en France. OK. Et donc. Cette culture qui est à disposition, alors évidemment il faut savoir choisir, mais aujourd'hui mes gamins, j'essaye parfois, le plus jeune de mes fils est vraiment un passionné de rock. Ben et oui, son père aussi, donc... Oui, mais en fait je veux dire plus que son grand frère. Okay. Et de temps en temps j'essaye de le bluffer en lui disant, tiens, est-ce que tu connais ça? Et il connaît déjà tout, okay. Cet enfoiré. Parce que il a quel âge? Il va avoir 19 ans. Okay. Je lui ai mis le pied à l'étrier, d'accord, et je lui ai mis ma discothèque à sa disposition, d'accord, mais après ça, avec ses copains, etc., il s'est mis à fouiller, à chercher, et il a une culture musicale, mais je n'avais pas le centième à... Est-ce qu'il est dans un groupe rock? Est-ce qu'il fait bien sûr, non seulement un groupe, et il fait DJ aussi. Son groupe s'appelle comment? Non, mais c'est un groupe amateur. Le groupe s'appelle Chocolate Flavor Tree. Oh! Si vous étiez un mot? Un mot? Mercenaire. Oh! J'ai un côté mercenaire. Mais je ne mets pas de connotation négative à ça. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours dû chercher du travail. J'ai toujours dû mettre mes éventuelles capacités, mon énergie et mon éventuel talent à la disposition des gens. Et donc, j'ai une réputation. C'est peut-être pas le mot auquel je suis le plus attaché, mais j'ai une réputation de mercenaire. Et je suis obligé de faire énormément de choses pour maintenir... Subvenir à mon besoin. Subvenir à mes besoins, aux besoins de ma femme, même si on est séparés, aux besoins de mes enfants. Et donc, je sors beaucoup de livres, etc. Et donc, il y a certainement des gens qui disent « Oh putain, encore un livre où il est marqué Gilles Verlaine présent, etc. » Et en même temps, voilà. Tu es fou, tu es froid, tu es fou, tu t'en fous. tu es vide, tu n'es rien. J'adore Evelyne. Tu vois, tu m'aimes encore. Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask next time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your turquoise jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. Dance is me on my way. I promise you're going to hit. Take me with you. Don't you want any of these? Culture. Attention, toi. Que les chemins de l'amour labourent notre rang sanguin. Qu'est-ce qui se passe, mon Gaétan? Et c'est la belle Joanie. OK, alors continue. Je continue pas, je reprends. Reprends et continue ton chemin. Ne t'arrête point. Saute vers le haut pour atteindre la descente éternelle. Enlève tes bretelles et attends l'autobus. OK, on va l'attendre. À quelle heure elle doit passer? À quelle heure elle doit passer? Passer quoi, les bretelles? Non, les bretelles sont enlevées. Les bretelles ne peuvent pas passer. Parce qu'il faut que ce soit un moyen de locomotion. Quelque chose qui doit se rendre vers ou à pour qu'il puisse arriver. S'il n'y a pas de mouvement, mes bretelles ont un mouvement, effectivement, en haut, à droite, sur ma bouche, dans mon œil, partout. Mais c'est pas le but de... Je peux pas attendre mes bretelles. J'embarquerai pas dans mes bretelles pour continuer mon chemin. Pourquoi? Ben, lâche-moi des pourquoi, toi, là. Tu me mets dans le trouble devant le public. Ben, vas-y. Vas-y quoi? Défends-toi. Ça, c'est comme des gens en général. Il m'arrive avec ça, là, une phrase qui me rend... « Hey, fais-moi rire. OK. Attends. OK, je vais te faire... Attends. Là, ils ont peur, ils s'en vont. Tu fais comme si t'étais en transe avant. OK, attends. Hein? Là, ils ont peur. Ils se disent, bon, c'est le malade qui prend... Le poil va y pousser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va sauter sur moi. Normalement, ça fonctionne. Mais il faut que tu sois convaincant. Tu te pratiques devant ton miroir, mais je te conseille de placer devant ton miroir un essuie-glace. Oui, parce que vous savez que dans mon cas, là, je l'ai dit tout à l'heure, là. Bon, je vais pas le redire. Vous étiez parti où? En fait, je préparais ma salade. Votre salade? Oui. Parce que je vais arriver en retard. Où ça? Chez moi. OK. Puis je dois préparer une salade. Une salade? Oui, je veux raconter une salade. Vous voulez préparer une salade ou raconter une salade? Bien, je vais faire une salade. Une salade. Hey, arrête, je commence à être salade. Non, c'est pas salade, malade. Malade. Oh, trop de vinaigrette dans mon chou. Oh, attention! Bébé loup. Petite gueuse champouineuse de mes rêves. Oh, Malou. Fais gaffe car je te rentre dans le... Que les chemins de l'amour labourent notre rencontre. Prenez ça en note, monsieur. Monsieur, prenez un crayon, un papier, là, on va le redire dans 3 secondes, OK? On répète. Repeat after me. Madame Marois, non, c'est pas de l'anglais. Non, mais moi, même si j'essaye de cracher de l'anglais, là, ça revient en français. Vive la langue française, la loi 101, le Bill 11, 22, Bill 22. Allez voir les enfants là, sur goggle.ca, là, Bill 22. C'est pas une bande dessinée, ça, là. C'est pas Bill et Ban, Ban et Bill, Bull et Bill. Bull la shit. Non. Bull la shit, tout, que les chats. Avez-vous votre crayon, monsieur? Là, je t'écoutais, puis je savais plus. Bon, allez-y, là, c'est le temps. Est-ce qu'il fonctionne, votre crayon? Moi, la bille roule. Oh, si la bille roule, tout va bien. C'est comme le rock, hein? Rock and roll. OK. Que les chemins de l'amour labourent notre rencontre. Là, vous devez dire que c'est Drénal Gagné. OK, mon courriel, parce que la jeune fille doit m'écrire pour me dire comment elle s'est sentie lorsque vous lui avez lu. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, @commercial.hotmail.com. Suite à cette phrase que vous allez lui transmettre, bon, je ne prends pas en considération les morts que ça peut procurer, crise cardiaque, arrêt la tachycardie. Moi, la on change de poste, voyons donc, il est pris sur le même mot. Là aussi, là, ici, ça va bien. Très bien. Moi, le mois de juin, c'est un mois d'allergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout est précoce chez moi. Même l'allergie, c'est 365 jours par année, puis ça me lâche même pas à ma fête. J'ai éternu sur les bougies, sur le gâteau. Le 2 juin, c'était bon. Oui, c'était le party. J'ai été malade. J'ai soufflé des ballons. C'est ça. Oh, vous voyez l'image, là? Quand je les ai pétés, pouf! Oh, tout le monde a crié. C'était le plaisir. Ça me faisait penser à Clint Eastwood dans le film Magnum. C'est-tu Magnum, là? Il y a une piscine. OK? Il y a des bourgeois. Des bourgeois. Des gens qui ont de l'argent, là. Des bergères. Non, c'est les bourgeois. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Des bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Avez-vous le 8-8? Oui, oui. Mais c'est ça, on va le faire. Attendez 30 secondes, madame. On y va, on peut pas, il y en a pas. Oh oui. C'est comme ça. Les bourgeois, c'est comme... Plus ça devient vieux, plus ça devient... Les yeux dans les yeux, les bonheurs avant, je reviens de mon talent. Là, ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Contes ». L'archiduchesse, ce sont-elles chèches ou archichèches? Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et comme je vous le mentionnais à quelques reprises pendant les mois et les semaines et les années qui... Hein, bon. Pardon? Qui a bon? Qui abonde depuis tant de temps. Oh, c'est vrai, ça. On peut pas dire que ça abonde pas, là. Ça s'accumule, ça s'additionne, ça se multiplie, mais jamais ça se divise. Que disent? Qu'entends-je, qu'asperge, que courge? Les phrases peuvent être entendues plusieurs fois dans l'année, dans la semaine. Mais l'improvisation, elle ne sera jamais la même. On débute, mais on continue dans un autre échelon. Ça, c'est bon, échelon, hein? Échelon. Échelons-nous quand même, échelons-nous malgré l'amour. Échelons-nous quand même, échelons-nous malgré l'amour. Échelons-nous de rage, échelons-nous par milliers. Soyons plus en cage, mais défendons-nous par milliers. Tu m'aimes, il s'aime. Nous nous aimons, vous nous aimez, il s'aime. S'aimeront. La France, c'est maçon. Les typos. Ouais, donne-moi ton typo. J'ai un typo. Pas possible, ouais. Popole. Amène-moi le typo, Popole. Pop. Maçon parlait avec une fille au téléphone. Ouais. Arrives-tu demain? Hein? Oui. OK. Tu sais, je t'avais déjà préparé quelque chose, hein? Oui. Hey, Jean-Marc était là, puis il me croyait même pas. Oui. Oui, parce que tu l'as entendu. Oui. Il a pas passé aux nouvelles la semaine dernière, non, non, non. Oui. Il a raconté l'histoire de notre. Oui. Mais voyons. Ben, laisse faire, reste chez toi, je vais aller. On va changer de. On peut pas faire le. Oui. Tu es malade? Ils sont au courant! Ils vont venir nous chercher! Oui. C'est ça que tu veux, toi? C'est ça ton fantasme, hein? Oui. T'es-tu une malade, toi aussi? Ils viennent nous chercher, on va aller en prison, toi, là! Oui. Tu sais ce que c'est qu'une prison, toi? Oui. T'as pas l'air consciente trop. Qu'est-ce que tu fais, là? Oui. OK. Hey, si on s'en va là-bas, là, c'est pas pour 2 ans ou 3 ans, là. Oui. Mais non, c'est pas pour 2 ans, 3 ans, là. C'est pour la vie, là, hein? Oui. Ben oui! Moi, je veux pas, là. C'est pas le temps, là. Puis je suis pas dans l'ambiance. Oui. Ben oui. Toi, tu iras tout seul. Garde. Jette-toi dans la gueule du loup, là. Hein? J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. Moi, j'ai vu le loup, le renard, ban! Se pencher. Oui. Ben oui. Toi aussi, t'as tout vu ça, toi. Hein? T'es intelligente, hein? Oui. Ben oui. t'as pas de formation universitaire, là, mais l'école de la vie pour toi, c'est... Hein? Oui. Ben oui. Toi, t'as pas de voiture, là, mais t'es autosuffisante. Oui. Ben oui. T'sais, ça me tente plus de te connaître, là. Oui. Non, même si t'as une petite... Oui, j'en ai déjà vu des... Oui, puis écoute, non. Au fond, je te reconnais plus. Oui. Je sais plus ce que c'est que tu veux. Je suis sûr que t'es encore... T'es une complice. Tu veux me vendre, mais je vaux rien. Comment tu veux me vendre? Je vaux rien. Hey, aux enchères eBay, j'ai parlé d'eBay tantôt, là. Tu connais ça, France canadienne? Oui. L'animateur, tu parles d'un insignifiant. Oui. Hein? Ça, c'est un insignifiant pas à peu près, hein? Oui. Je comprends pas pourquoi ce gars-là, on lui place un micro. Ben oui, c'est parce qu'il se l'a acheté, hein? Un SM58. Excellente qualité, mais ce qu'il dit, c'est rien, ça. Oui. Ben oui, c'est de la basse gamme. Oui. Je sais pas quoi faire. Mais hey, demain. Oui. Non, demain, on se rencontre pas. On oublie ça, OK? On efface. Tu sais ce que c'est qu'un disque dur? Oui. Ben oui, mais ouais, c'est tout, là. Et elle est au courant de... Ouais, oui. J'aime ça, moi, des filles comme toi. Oui. Eh oui. Hey, attends un peu. Attends, j'ai eu une idée, là. Attends, sens-tu l'écho? J'ai eu une idée. Tu sais que je suis un amateur de cinéma, puis... En tout cas, je te raconterai pas ma vie, là, mais t'aimerais ça, hein? Oui. Pour que tu te dises à tout le monde, hein, pour qu'ils viennent me chercher, hein, mettre la ceinture de force, puis qu'ils m'envoient là-bas. Non, c'est la chemise de force. Moi, je voudrais avoir une robe de force, s'il vous plaît. Ouais, ça fait moins mal au chenol. Bon, c'est pas parce qu'ils sont tout sérieux, là, mais je vais être confortable, hein? Toi, tu commences à... Ouais. Allô? Oui. Ben oui. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on fasse comme certains l'aiment chaud. Avec Jack Lemmon. L'autre, l'étrangleur de Boston, là, comment il s'appelle l'étrangleur de Boston qui est décédé il n'y a pas si longtemps? Il était peintre à la fin de sa vie. Là, je le vois. C'est un beau bonhomme qui a joué dans La Chaîne, là, film sur contre le racisme. Hey, monsieur, vous le savez, vous me le dites. Arrêtez de crier, madame. Oui, je sais que vous le savez. Moi, je peux pas l'entendre. C'est de la radio. Tommy Curtis, merci. Tony Curtis, merci. Hey, c'est bon, les ondes radiophoniques. Vous êtes bonnes. Je vous envoie mon prochain album. Vous allez entendre 25 ans d'amour. Oh, vous allez l'entendre. Vous le voulez pas? Vous le vendrez. Vous ferez un souverain avec ça. Vous ferez ce que vous voulez, madame. Vous le vendrez à madame Tremblay. Hein? Pardon? Ouais, je suis fuck actuellement. Il fait tellement... Ouais, je le dis souvent, mais là, c'est chaud plus que chaud. Moi. Je me sens comme la stimée. Tu m'estimes à comment, toi? Ouais. Hey, là, qu'est-ce qu'on va faire, là? Je sais. Tu restes habillé comme tu es, là, parce que tu m'as raconté tantôt là, que hein, la robe est déshabillée. Ouais, mais c'est pas bon d'avoir un déshabillé en dessous d'une robe. Je sens que ça fait bizarre. Enfin, ça, c'est pas grave. Cultive ta bizarrerie. Voyons. Tu savais que CKRL cultivait tes goûts? Toi, cultive ta bizarrerie. Et moi, j'arriverai habillée en femme. Une grosse madame. Un peu comme une reine au foyer là, dans les années 60-70, là. Qui avait à peu près 25 enfants. Là. Ah oui, les enfants! Oh, on a fait de la soupe populaire, très populaire. Là. Il y a toute la paroisse, on est manger ça, la bonne soupe populaire. Là. La soupe populaire, l'ouvrier parisien. Et on mange avec tante derrière. Dans les soupes populaires, il y en a de la bonne soupe. Il y en a pour 25, il y en aura pour 150. On va mettre de l'eau, on va diluer. Hein? Comme à la fin d'une soirée, on dilue. Hey, on va arrêter parce qu'il pourra pas conduire son véhicule. Il est déjà endormi, puis il faut le réveiller. Il est sous. On va diluer son verre d'eau. Mets de la glace. Mais, hein? Mets de la glace. Oui? On arrête ça. On a dépassé le temps. Puis il faut dire le titre. C'est les grands écrivains. Elisa saute-moi au cou, Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux, enfonce bien des ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, mais j'espère avec quand même il m'arrive de sortir des livres dont je suis pas très fier par la suite uniquement pour boucler le oui non mais c'est-à-dire que au moment où je les fais j'y crois, je les trouve formidables, où je les trouve bien, où je les trouve intéressants, où moi ça m'intéresse, où moi j'apprends des trucs, du moment que j'apprends des trucs je suis content et puis après ça ils sortent et je me dis ouais bon peut-être que j'aurais pas dû me donner la peine. Okay. Après coup. Voilà. Après l'avoir lu. Après lu. Ouais. Si vous étiez un aliment. Si j'étais un aliment. Si j'étais un aliment. Si j'étais un aliment. Oh là là là là. Si j'étais un aliment. A T-bone steak. Oh yeah, oh oui. Ah, vous êtes un amateur non. de viande. Alors j'ai des copains qui sont des végétariens et des, ouais. et des végétaliens militants, etc., qui évidemment ne peuvent pas supporter ça. Mais je suis un grand amateur de saignant. De chair saignante. Moi aussi, moi aussi. Voilà. Et donc là, je pense à des T-bone steaks. Pourquoi ? Parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier à mes fils, que j'emmène en Californie pour pendant. On part la semaine prochaine. Oh. Et une de nos intentions, c'est de manger le bon vrai T-bone steak dans un steakhouse. Mm-hmm. Sur le grill. Voilà. Oh. Et en fait, l'histoire, c'est que ma biographie de Gainsbourg, et j'en suis très très fier, sort en traduction américaine. J'ai vu. Chez Tam Tam Books, qui est un petit éditeur à Los Angeles. Mais c'est un petit éditeur qui publie aussi des livres de Boris Vian en anglais, en américain. Et donc, je suis très, très fier de ça. Alors, vous allez faire la promo. Et donc, j'y vais à mes frères. Oui, ben ouais, mais comme moi ici. Ouais, c'est pas le consulat qui m'invite. Non, il ne faut pas non plus compter sur les autres. Hein. Non. Si vous étiez une saison. J'étais une saison. Indubitablement, je serais l'été. Je serai l'été parce que je suppose... Avec moins de vent ou... Même comme ça, ça me va. Okay. Je serai l'été parce que j'adore le soleil. J'adore le soleil. Et le soleil est là actuellement. Ouais, exactement. Et je crois que je suis... je ne sais pas exactement qui est mon grand-père, figurez-vous. Le père de mon père. J'avais une grand-mère qui était assez volage. Ah oui? Elle était... Elle était modèle pour des peintres et des photographes. Okay. Et dans mes archives, j'ai plein de photos de ma grand-mère à poil, ce qui est quand même pas courant. Okay. Et, elle était jolie? Elle a, sans doute pour les critères de l'époque. Ouais. Et donc, vous êtes chargé. Après ça, elle faisait des recueils, des livres où sur une double page, il y avait des photos d'elle toute nue. Sur la page suivante, il y avait des bondieuseries. Des cartes postales de la Vierge Marie, des... Mmh. Voilà. Et elle était devenue grenouille de bénitier sur la fin. Et donc, au moment où mon père a été conçu, elle fréquentait assidûment, a priori, un peintre espagnol. Okay. Mais en réalité, ce peintre espagnol a disparu dans la nature. Et mon père a été élevé par un autre mec. Et puis, en fait, il n'est pas élevé du tout, en réalité, parce que le mec en question est mort. Okay. Bref, je dois avoir du sang espagnol dans les veines. Ah, d'accord. Donc, j'aime le soleil. Okay. J'aime la chaleur. C'est à cause de cet événement. Si vous étiez un membre corporel... Une partie du corps. Oui. Une partie du corps. Il y a des trucs évidents à dire, mais on va pas les dire. Vous pouvez. Non. J'aimerais bien avoir un cerveau plus efficace. Je suis parfois effaré par des pertes de mémoire, par des choses que je sais, que je cherche, des mots que je cherche, et ça m'énerve. Et heureusement qu'il y a Internet de nos jours pour trouver les... Je sais chercher les informations, mais j'aimerais bien qu'elles soient toutes stockées dans mon cerveau. J'aimerais bien avoir un ordinateur plus complet à la place du cerveau. Durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. 15 bourgs et son 15 bourreaux vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 I'll turn off the light, switch on a starry night. My window flies open. My bedroom fills with falling snow. Should be a dream, but I'm not sleepy. I see his snowy white face, but I'm not afraid. He lies down beside. Thank you. so cold next to me. I can feel him melting in my hand. Thank you. Varello. Varello. Le petit lapin de Playboy ronge mon crâne végétal. Shoeshine Boy. Shoeshine Boy. Oh, Barilo. Petit chou. Entre ses doigts, comme du caporal, me suçotait comme un cachou. Elle savait le dialecte chou. Tu sais, Malou, dans cette blanche clinique psychiatrique, force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un hanneton. Sur sa tête, héliport d'hélicoptère, de ses élytres d'or refermant l'habitacle, incline ses antennes porteuses d'SOS. Mais merde les phalènes, frémissantes de stress, interceptent en vol mes signaux de détresse. Manque de bol. Radio Pou ont brouillé mes messages fous que j'étais de toi, Marilo. Et en plus de ça, un ordinateur qui me permettrait de mieux comprendre les autres. Oh, bah ça, c'est pas facile. Ouais, voilà. En faire relation avec les autres, c'est. Ouais. Si vous étiez un moment de la journée. Un moment de la journée? Ah, j'adore le matin. Et le matin tôt, en plus de ça. Mais vous couchez tard? Non, pas forcément. Non, okay. non, je suis relativement raisonnable. Sauf hier soir, mais c'est un détail. Parce que j'ai été voir Bruce Springsteen. Oh yeah! Et puis? Et donc, voilà. Et puis, est-ce du que coup... c'était bien? C'était bien. Oh. Je pense que c'était... Par rapport à la veille, je pense qu'il y a des gens qui m'ont décrit le concert de la veille, qui était un for the 4th of July. Donc, c'était un show spécial. Hier, il... C'est pas le champion du monde de la concision, notre ami Bruce. Hein. Parfois, il tire vraiment en longueur les morceaux, etc. Et comme s'il devait battre son record tous les jours à faire les 3h45 minutes. Et donc, je vais vous avouer un truc, je suis pas resté jouer. Parce que ça n'a viré le bol. Oui, enfin, je l'ai déjà vu beaucoup de fois sur scène. Et non, mais j'étais peut-être pas in the mood. Et puis, hier, je sais pas, il y avait des moments d'émotion que j'attendais qui sont pas venus. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous étiez déçu. Non, je suis fou de Bruce, okay. mais il y a, ouais, c'était un jour. La magie n'était pas là. Un jour moins bien. Ok. Si vous étiez un autre individu. Donc je suis du matin. Je suis du matin. J'adore okay. le matin. J'aime bien me lever tôt. J'aime bien toute cette période parce que donc à Paris généralement il y a zéro coup de fil avant 11h du matin parce que les gens arrivent au bureau à 11h du matin. À midi et demi ils prennent leur pause déjeuner et ils reviennent travailler vers 16h. Non, je caricature à peine. Légèrement. Mais bon, donc. Donc moi j'aime bien toute cette période entre 6-7 heures et 11 heures où je suis sûr que le téléphone ne va pas sonner. Si vous étiez un autre individu? Quelqu'un que j'aurais rêvé d'être? Ouais. Oh non, je suis très content de mon sort. très content de mon sort. Je trouve que j'ai eu énormément de chance. Et j'espère que ça va encore durer un moment. Et en même temps, j'ai goûté à la renommée. Je vais pas dire la célébrité, mais là, il fut un temps, par exemple, où je me montrais beaucoup à la télévision. Et là, depuis qu'on est à cette terrasse depuis une heure, j'aurais été reconnu 20 fois par. Je dis sans me vanter, simplement, parce que c'est tout con à se montrer à la télé et les gens ont des regards, etc. Donc là, j'ai goûté à ça. J'ai goûté à certains succès avec des livres, comme la biographie de Gainsbourg, comme d'autres livres que j'ai fait. Et j'espère avoir un gros succès avec un livre que je sors sur l'histoire de la télévision française que je fais avec Michel Drucker, qui sort en octobre. Okay. Et donc j'aime bien ça, j'aime bien avoir des succès, et en même temps j'aime bien rester dans l'ombre. Okay. Donc quand je disais mercenaire tout à l'heure, c'est le mercenaire mais qui est dans l'ombre. Les gens ne se doutent pas du nombre de trucs que je fais. Oh, alors c'est suspect. À choisir, feriez-vous le même chemin? Je ferais. Non, il y aurait un. Il y a un truc. Non, j'ai zéro regret. Et pourtant, j'en ai fait des conneries. Oh putain. Oula. Professionnel ou amoureux? Non. Oui, mais non, pas. Oui, professionnel, j'en ai fait. Et puis dans les années 80, on faisait beaucoup de bêtises. On se mettait des substances dans le nez en particulier. Partout. Non, moi, je me suis jamais injecté dans l'anus. Non. Vous poudriez un peu le. Voilà. Et donc, le seul regret que. Non, j'ai pas de regret, mais s'il y a un truc que je referais, c'est. Mais on n'en parlait pas encore suffisamment. J'aurais peut-être fait une psychanalyse dans les années 80, au lieu d'attendre les années 2000 pour la faire. Parce que je crois que ça m'aurait éclairé sur plein de choses. Alors, vous seriez peut-être. Vous seriez plus à la guet de ce que les autres sont en vous connaissant davantage. Parce qu'on se comprend mieux quand on comprend les autres et on comprend mieux les autres quand on se comprend. Oui, c'est ça. Et je pense que j'ai eu une sorte de trou noir dans ma vie. Globalement dans les années 80. Et pourtant, c'est dans les années 80 que j'ai publié ma biographie de Bowie. C'est dans les années 80 que j'ai sorti ma biographie de Gainsbourg. C'est dans les années 80 que j'ai fait le plus d'émissions de télé. Donc, c'est dans les années 80 que j'étais un petit peu célèbre. Et donc voilà. Donc, mais pourtant, ça correspond à des années où, en réalité, je ne me suis pas rendu compte. J'étais en dépression. Okay. C'est eux qui vous ont aidé à sans vouloir à vous en sortir. Ouais. C'est Bowie, c'est Gainsbourg, c'est tous ces gens-là, c'est l'écriture, c'est. Oui, c'est ça. C'est votre création. C'est le travail. Je ne dirai rien. Je serrerai les dents, je serai bien dans n'importe quel vêtement. Je ne dirai rien pendant longtemps. Je serai Alain Delon jeune. Je ne dirai pas, je t'aime. Je ne mangerai pas plus que je ne dormirai. Dans mes yeux passeront des phares, l'asphalte luira. Je ne dirai rien. Alain Delon, jeune. À la fin, j'aurai raison ou bien je mourrai. Un destin, c'est ça qui m'attendait. Un chef-d'œuvre italien, des cabriolets. Je ne dirai rien, les dents je les serrerai. Alain Delon, jeune. j'aime. Je ne dirai rien, je conduirai. Je ne dirai rien en cabriolet. Particular about the point it made. Why, when I was knee-high to a grasshopper, this black juice came out on a hard-shelled chin, and they call that tobacco juice. I used to fiddle with my back feet music for a black onyx. My tar room absorbed every echo. The music was thud-like. The music was thud-like. I usually played such things as Roughneck and Thug. Opaque melodies that would bug most people. Music from the other side of the fence. A black swan figurine lay on all color lily pads. On a little conglomeration table of pressed black felt. With same color shadows. And seam knob knees and whatnots. The long hallway rolled out into oddball odd. Beside the fly-pecked black doorway. It looked closed on the tar ladder street. Up a wrought iron fire escape, rolled out a tiny wooden platform with dark, hard, dark rubber wheels. Roll squeak, roll squeak, roll squeak. Sam was a showing scalp flat top, particular about the point it made. Sam was a basket case, a hard, dark, ivory clip-held, saleable, everyday pencil. I wish I had a pair of bongos, bongo theory. Bongo Fury. Ah, Bongo Fury. Boogie. Bongo Fury. Bongo Fury. Bongo Fury. Alger, c'est toujours l'été. On s'amuse bien sur les trottoirs. On va au marchand achète des olives noires. Il y a les rues, il y a le port, en bas c'est la Casbah. Hey, les enfants, les Mac, les Fatma et la mer Méditerranée. Derrière chez moi, à El Bihar, il y a le marché noir. Les vieux sont assis en tailleur, les femmes qui vendent des porte-bonheur. Si tu voyais la marchandise, les bijoux et les friandises, les couteaux super acérés sur les tapis dans les paniers. À l'aïdon, tu le mouton, il y a du sang sur les balcons. Après, pour enlever la peau, on gonfle avec la pompe à vélo. Allaya baba, allaya. La première fille que je l'ai perdue, la première fille que je l'ai aimée, la première fille que je l'ai caressée. En face il y avait la Casbah, les enfants, les macs, les Fatma, les olivets, les oliviers, et la mer Méditerranée, et la mer Méditerranée. Hey! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est des rock'n'roll! Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Le moment s'invite à Lou. À Lou? À Lou, à Lou, à Lou, à Lou, à Lou, à Lou. S'invite à nous pour un élan rénadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. J'ai le cheveu humide. Allons séchoir. J'ai un rire imbécile. Est-ce que c'est normal? J'ai un débit totalement plus lent que ma compréhension de l'existence, madame... Il y a de la bébé. C'est qui dit ça? Redis-moi ça, toi. Il y a de la bébé. Oh, excusez-moi. OK. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce filarial narratif. Hey, ça, c'est vraiment... C'est le clou. Madame Thibodeau! OK, attention, c'est le clou. Voulez-vous là? Enfoncez-le, c'est là. Il y a de la bébé. Monte le son. Ben oui, mais c'est monte ta tête. Monte ton son, monte ta tête. Monte ton son, monte ta tête, tu verras, ça ira mieux. Monte ton son, monte ta tête, tu verras ce guide. Je fais des devant le micro, je vais faire loin du micro, excusez-moi. Alors, la phrase clé qui va nous alimenter, parce qu'il faut s'alimenter, là, moi, c'est bien beau vivre d'humour et... D'humour et de la rouche. Pardon? Non, j'ai dit la rouche. OK. Bon, je m'excuse infiniment. Là, si j'ai touché Mme Larouche, j'ai pas voulu... Enfin, oui, la toucher, mais pas la distraire pour qu'elle puisse me bondir dessus comme si j'étais un animal. Ça fait mal d'être un animal, là. Vous le saviez, vous? Bon, c'est très bien. Ah, on en parle après l'émission. Dernière improvisation, dernière musique. Là, je vous dis dans 25 à 75 minutes, c'est terminé. On dépasse pas. Oh non, attention. Madame, non. On va rester dans les temps. On va faire notre temps, puis après ça, on va sortir. Ouais, faites-vous-en pas. Ouais. On fait toujours. Ben, des fois, on déborde, là, mais c'est involontaire. Ce que j'ai dit ce soir, c'est involontaire. L'improvisation, c'est involontaire. La musique, c'est volontaire. Non, c'est ça, c'est la chanson de Bachung. Alors, la phrase, c'est au-delà, ou en tout cas l'inspiration, la ligne directrice vers un couloir des plus extraordinaires et j'espère ouvert à tout. J'espère, moi. Mais arrête de t'espérer, mon gars. OK, merci, madame. Au-delà, monsieur Mann, au-delà de l'au-delà. Oh, monsieur, déjà, le lire, c'est autrement. Oui, mais j'ai écrit ça il y a 2 mois et demi avant le Radioton, c'est Quéril. Ben oui, mais là, on est au mois de juin. Ah oui. C'est au mois de mars, mars, avril, mai, juin. J'ai écrit ça il y a 4 mois avant le Radioton, c'est Quéril. OK. Et j'ai été ancré dans c'est Quéril. OK. Mais en fait, j'ai voulu mettre du piment, c'est Quéril. Ah oui. Parce que j'avais une émission à c'est Quéril. Oui, laquelle? Une émission, hein, c'est quoi elle? Oui, mais laquelle? Mais celle-là, là. OK, celle qu'on écoute? Oui. Vous étiez? J'étais déjà là. Je suis encore et je serai toujours. En fait, moi, je suis celui... Mets la canisse en dessous, ça dégouline. Je suis celui qui... Je suis celui qui crie des mots d'amour à grand bout d'argent. Ouais, t'attends l'argent, toi, là. T'es comme tout le monde, t'es au bout de l'argent. Non, je suis au bout du fil. Oui, puis dans le fil, il y a un conducteur. Puis dans le conducteur, il sait pas qu'on, il a pas eu son permis. Ça va tout croche là-dedans, mon ami. Il y a un tuyau. Un gros tuyau. Dans cette embouchure-là, dans ce cylindre-là, dans ce tunnel-là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a un conduit, là. Il fait noir. On passe là-dedans, à l'intérieur. On ne sait même pas où on va aller. On peut même pas toucher les bords, là-haut, là-bas. On y va comme un nageur. Puis plus on nage, comme si, là, parce qu'on nage pas, là, on y va, on vole. Ben voyons donc, comment tu peux voler? Ben moi, je vole. Chacun a sa manière, là. Moi, j'ai appris. C'est un talent involontaire, là. C'est même pas inné. Inénarrable. C'est même pas inénarrable, ça. Ça vient. C'est comme le reste. Ça vient. Qui? Ça vient d'où? Ça vient d'ici, là. Ben non, ça vient d'ailleurs, vers ici. Puis si t'es pas là pour recevoir cet ailleurs-là vers ici, ben c'est l'autre qui va l'avoir. Faut que tu sois disponible tout le temps, 365 jours par année, même à ton anniversaire, même à Noël, même au jour de l'an, puis même à la fête des popos. Oh, pourquoi? Ben parce qu'à la fête des popos, personne n'est là. Comment ça, personne n'est là? Ben tout le monde fait plaisir à leur popo. Ouais. Mais s'il n'y a pas de popo, ben là, t'es né de qui, toi, là? Je suis né de qui? Ben c'est qui qui m'a insignifiant? Tu viens de ton popo? Mais voyons donc, toi. C'est une blague, là. Je sais, il vient de mon papa. Arrête de dire ça de même. Tout le monde sait qu'ils viennent de leur papa et de leur maman. Puis quelquefois, c'est caché, là. On peut être orphelin, puis, mais c'est quand même, on vient du papa et de la maman, ben oui. Il y en a pas dans toute leur vie, ils vont chercher le papa et la maman, puis où elle est, pourquoi je ne suis pas, pourquoi elle était, puis pourquoi elle m'a lâché, pourquoi elle m'a tiré, où vais-je, construirai-je ma vie incise, ou au contraire, je ne veux rien savoir et je vais vers cette direction-là. Je m'en fais pas. Tout le monde, la vie, c'est simple. Là, je dis pas si tu cherches ton papa, ta maman, toi. Ben, moi, je cherche le fil. Bon, ben là, le fil, on sait pas d'où ça vient, là. Est-ce que c'est le fil mâle, le fil femelle? Oh, moi, c'est juste le fil. Ben, c'est juste le fil. Voyons donc, il y a des embouts, là. C'est un mâle, une femelle? Ben, c'est un fil. Regarde-moi ça, c'est quoi ça? C'est un païen, là. Une grande cape, le fait, oui, monsieur, le fâchez-vous pas, je vais pas devenir un agresseur, là. Mais au bout du fil, qu'est-ce qui se passe, là? Quelle est la communication, les bouts? On peut pas dire autre chose, les bouts. Ben, il n'y a pas de bout, c'est un fil. Mais si c'est un fil, il y a un bout au bout du fil. Ah. Bon, et il vient de se réveiller. Avez-vous entendu, là? Hein? Il ne le refera pas, là, parce que pour lui, là, c'est... il ne savait même pas, là. On vient de lui apprendre quelque chose, hein? C'est vrai? C'est vrai. Oh. T'es un Bambi, toi? Un Bambi de temps moderne. Comment? Un Bambi de temps moderne. Un Bambi de temps moderne, hein? Oui, on aime ça, les Bambi de temps moderne. Ça devrait même plus exister en 2013, des Bambi des temps modernes. Ils devraient apprendre sur le champ que la vie urbaine est comme ça. Si t'es pas capable de t'en sauver, là... Oh, mais les gens sont gentils. Ben oui, les gens sont gentils. Ben oui, continue à voir ça de même, là, puis tu vas aller loin dans la vie. On va abuser de toi pendant jusqu'à la fin de ton existence. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ben oui, c'est comme ça. OK. Si je te dis que l'improvisation s'arrête comme ça... Ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, toi? Il y a de la bébé. To fit too strong a drinking, I spy the elephants of pink in the pattern on the left lapel of my dressing gown, creatures on the carousel of my living room. You try and tell me what you're thinking, your life. A violet that is shrinking into the left lapel of my dressing gown, spinning on the carousel of my living room. Love tells me of bigger thinking, not just these elephants of pink in the pattern on the left lapel of my dressing gown, creatures on the carousel of my living room. Et toi, dites-moi quelque chose, tu es là. Le marbre rose, aussi placé que le plastron de ma smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Je bois à trop fort de doses bon. Des éléphants roses, des araignées sous le plastron de ma smoking, de souris au plafond du living room. Room. Je vous voyais, moi, je tutoyais les plus hauts sommets, je vous envoyais mes plus beaux sonnets. Je vous assommais lorsque je vous priais de me tutoyer. Vous, ma belle écuyère, vous pensiez lorsque je vous aimais. Assommait lorsque je vous aimais, je vous intimais. Vous voyez, vous auriez dû me tutoyer lorsque je vous aimais. Assommait qu'il y a ça, sinon... Oui, non, je crois que j'aurais pu mourir ma faim, je crois. Parce que j'en ai fait des conneries. Et vos projets pour les mois et les années à venir, à part votre voyage en Angleterre et Pakistan? Voyage en Californie. En Californie, oui, excusez. Et votre travail avec Michel Drucker sur la télévision française? Alors, donc, à la rentrée, je vais sortir 4 livres. Okay. Alors, il y a un livre... il y a un livre que je dirige qui sera signé Pierre Mikhaïlov. Que j'ai rencontré il y a 2 ans. Ah oui, qui est un garçon absolument formidable. Ouais. Il a une idée de bouquin sensationnelle. Le titre, c'est en anglais « Desperate Rock Wives ». Donc, les femmes rock désespérées, « Desperate Rock Wives ». Et où il raconte le parcours de Patty Harrison, de Courtney Love, de... Et vous allez garder le titre anglais? Oui. OK. Ouais. Puis c'est un livre en français? Et c'est un livre en français. OK. Voilà. Je sors ça, que j'ai dirigé. Je sors un livre qui est... Mais quand vous dites dirigé, vous avez lu ce qu'il a fait, puis vous lui avez donné votre point de vue? Il m'a proposé cette idée, je lui ai trouvé un éditeur. Et après ça, j'ai corrigé son manuscrit, j'ai fait en sorte... Voilà. Je choisis la couverture avec l'éditeur. Enfin, c'est un vrai travail de directeur. Okay. Et lui, il fait juste... C'est lui qui fait 99% du boulot. Okay. Il écrit le putain de bouquin. OK, oui, c'est ça. Il rédige. Et vous regardez tout ça et... Voilà. Directeur d'ouvrage. Okay. Enfin, c'est un travail d'éditeur. Est-ce que ça vous arrive souvent? Ah oui. Okay. Justement. Et ensuite? Il m'est arrivé de sortir 10, 15, 20 bouquins en une saison. Ouais. Et donc là, forcément, c'est pas des bouquins que j'ai écrits. Non, parce que c'est plus de travail. Hein. Je sors un livre qui s'appelle La scandaleuse histoire du rock, qui est un recueil de mes textes en fait pour la radio, parce que je fais une chronique qui passe sur France Bleu. C'est quand vous voulez que le service public le diffuse. J'attendais le moment, oui. Et La scandaleuse histoire du rock, c'est des pastilles de 5-6 minutes. Et qui ont beaucoup de succès en France, donc du coup j'en fais un bouquin. Voilà. Est-ce que vous le faites en direct? Est-ce que c'est des... Non. Ok. Non, parce que le but du truc, c'est que ce soit une chronique qui soit très réalisée, très montée, avec plein de bruitages, d'extra musicaux, de petits effets rigolos, etc. Et vous êtes diffusé à quelle heure? Alors ça dépend, parce que c'est surtout le réseau France Bleu, c'est-à-dire c'est partout en France. Ok, je regarde tout aussi. En différent. Et par podcast. En balade en diffusion. France Bleu. Oui. Podcast, balado-diffusion. Ouais, en balado-diffusion. C'est un terme trouvé au Québec. C'est tellement plus poétique. oui, c'est très joli. Défendons le... la francophonie au Québec qui est partout. Ça, voilà, donc il y a ça, et puis le livre que je fais avec Michel Drucker sur l'histoire de la télévision française. Ça, c'est un bouquin de 520 pages, 530 pages, illustré. Et donc, on raconte les 500 émissions mythiques de l'histoire de la télévision française. Voilà. Ça, c'est formidable. Et puis, j'espère. Et puis, c'est à 3h30 que j'ai rendez-vous. Hein, j'espère. Il va falloir que j'aille. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, un truc magnifique. Un truc magnifique, je sors encore un livre avec Jean-Pierre Leloir. Jean-Pierre Leloir, photographe sublime, décédé il y a un an et demi maintenant, qui était le pilier de Jazz Hot, de Jazz Magazine, de Rock et Folk, et qui a fait des centaines de pochettes de disques pour des chanteurs français, des reportages sur les chanteurs français. Et donc, il a une photothèque absolument... Il a toujours une photothèque extraordinaire qui est gérée par sa fille aujourd'hui. Et on avait en projet avec Jean-Pierre, on avait commencé à travailler sur un livre qui allait s'appeler Portrait de la chanson française, parce qu'il a photographié tout le monde. Jean-Pierre Leloir, c'est celui qui a fait la mythique photo de Brassens, Brel et Ferré, en train de discuter le bout de gras en janvier 1969. Alors, on le connaît pour cette photo, mais il a fait des milliers et des dizaines de milliers de photos avant et des dizaines de milliers de photos après. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est réunir avec sa fille, et on avait commencé le travail avec Jean-Pierre, les meilleures photos de Barbara, de Brel, de Brassens, de Bécaud, d'Aznavour, de Paul Naref, de Véronique Sanson, de tout ce que vous pouvez imaginer, de Gainsbourg, comme par hasard. Et donc ça sort aux éditions Fedgen La Martinière. Et ça va être un beau bouquin de photos de 300 pages. En fin d'année. En fin d'année également. Pour Noël, pour offrir à Noël. Voilà. Ah ben écoute, ça serait extraordinaire de se procurer ça au Québec afin de donner ça aux amateurs de chansons françaises. Bon. Gilles Vernant, merci. Mais c'est vous que je remercie, Anna. On est passé en éclair ici et on repart aussitôt. Et j'espère vous revoir bientôt. Oui. Ou alors, invitez, voilà. Nous allons vous inviter à la foyeux. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à faire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, ils ne niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez un peu, c'est un partial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, et là on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldière. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.